Je veux pas de vos studs, gaspiller 500 euros pour Alice Kraté. Je veux pas de vos studs, la porte à tous, ce sera à méditer. Je veux pas de vos studs, inimaginable comme une église athée. Je veux pas de vos studs, je sais que l'argent est vite assez. Je veux pas de vos studs, je suis pas là pour percer. Ce n'est qu'un passe-temps, j'avoue, je kiffe, mais à tout moment, je peux me désister. Si je continue, c'est que je ne peux pas arrêter. Faudra avoir un minimum de buzz avant de se faire critiquer. Je veux pas de vos studs, pas là pour faire concurrence à la roulette. 66 fans chez Kids au mic de commentaires et au volet. Je veux pas de vos studs, je suis bien chez moi de poser. J'entends très bien l'expérience et un jour ça le faisait. On sait jamais, mais bon je n'y crois pas trop. Je continue ma route de page en face B, y en aura bien d'autres. Je veux pas de vos sud pour changer ma voix de mer. Total City me convient, virtual DJ c'est l'acteur. Bien sûr je veux aller au bout mais c'est pas avec des prises à caméra. Je ferai ma route que je finirai en Panamera. Je veux pas de vos sud, j'ai pas besoin de ça. Si tu kiffes mes têtes, les revenus du bord tu te contenteras. Yeah. Je veux pas de vos sud, tu as pillé 500 euros pour un discraté. Je veux pas de vos studs, la part gratuite ce sera à méditer. Je veux pas de vos studs, inimaginable comme une église athée. Je veux pas de vos studs, je sais que la journée est vite assez. Je veux pas de vos studs. Je sais qu'il faut croire en ses rêves pour une fois. Faut que j'explique pourquoi je percerai pas. Peut-être parce que j'habite pas Paname ni Marseille. Que personne me harcèle, que j'ai un physique ingrat. Mais que j'écris à temps partiel, que moi seul aime mon flow. Et c'est pas avec ma voix de merde. J'ai que du moral et l'enfant, mais la suite devient amère. Je sais que j'écris trop, mais pourquoi mon style est d'être parce que ça me soulage et que je peux pas m'arrêter. Dans la tête du projet dont j'ai écrit ambition, sur mes thèmes trop d'objets, mon but est la soumission. Et si je lisse les charts, c'est avec les moyens du bord. Je peux mettre le charme, mais sur ma route, y'a trop d'erreurs. Y'a trop d'erreurs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Tu as payé 500 euros pour un distraté. Je veux pas de vos studs, la part gratuite sera à méditer. Je veux pas de vos studs, inimaginable comme une église athée. Je veux pas de vos studs, je sais que la journée est vite assez. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs, y'a 200 jamais eu, parce que c'était un 16. Continuerai dans cette ligne et guerrier avec un M16. Après ça ce sera en mode présentation, enfin des phases 1, mais toujours pas de tude pour l'occasion. Ça sera mon dernier 16 cette fois-ci. Je veux pas de vos studs, je veux pas de assis. Je me remets en question, mais voici les réponses, je vais si à bon escient. Tout ça pour quelques sons, yeah. Si tu kiffes le savoir, je veux pas de vos studs, ce que je veux c'est de l'espoir. Une fois de plus c'est Kids on Mic en scène. J'envoie toutes les couleurs des bras dans l'arc-en-ciel. Je veux pas de vos studs, tu as mis 500 euros pour un distraté. Je veux pas de vos studs, la part gratuite ce sera à méditer. Je veux pas de vos studs, inimaginable comme une église athée. Je veux pas de vos studs, je sais que la journée est vite assez. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Je veux pas de vos studs. Alors, c'est comment?